petit réglage. Thank you. ça s'est pas joué depuis longtemps. Ok. Inside. Comment ça va? Tu vas faire là-bas. pasa en la casa? ¿Qué pasa? Bienvenue, Blanchine. Honorable petit chinois.